ماشي ديما وماشي في كل شيء خايفة تسمع وعليا تتكبر قلبك يقوى ويكسر ما تبقاش تبغي تهدر براس الفيصال خايفة تسمع وعليا تتكبر قلبك يقوى ويكسر ما تبقاش تبغي تهدر براس الفيصال سهل يجي سهل يمشي ما روح هالشي مسكن ما تحلمش نقولها ما يمكنش كراسي ما تسمح ماشي ديما وماشي في كل شيء Oh, Golden qu'on vient d'écouter sur chaîne Interavec This Love, une voix unique d'ailleurs qui nous ensorcelle. Merci en tout cas de l'apprécier sur la bonne fréquence. Il est 15h passé de 20 minutes en vous souhaitant bien sûr un très très bel après-midi. Et j'en profite aussi pour rappeler que dans 10 minutes exactement, on aura droit bien sûr à l'actu du 7e art avec le ton qui monte dans le deuxième volume du film, La Note Parfaite ou si vous préférez Pitch Perfect. C'est le film à l'affiche cet après-midi et c'est à 15h30. En attendant, Cat de Luna, excellente écoute à tous. Let's live out a dream, darling. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Baby, baby, I wanna get to know you.

being upgraded. Can't hate it. With the diamonds all in the ear, low. Bluetooth all in the ear, ho. Got a story unfolds. You and VIP, cause she's steaming up a clock. She pushing up the bottles and she pushing up her top. She give you little stares as you rubbing through her hair. Then she shake her jerry hair. You just thinking the draws might drop. But I'm just thinking she's counting out your knot. You feeling on your shirt pockets like you've been shot. But you really forgot. Let's rock. Ça c'était les Hit 17 que vous écoutez sur Chaîne Inter. Merci à tous ceux qui viennent de se brancher sur la bonne fréquence et vous tombez bien. Il est 15h32 minutes et c'est l'heure de découvrir le film de cet après-midi. Bonjour, à l'affiche en salle, le film Pitch Perfect 2 d'Elizabeth Banks avec Anna Kendrick, Rebel Wilson et Hailee Steinfeld. Voilà, on est de retour pour faire vibrer le monde dans Pitch Perfect 2, la suite de Hit Girls, qui racontait l'histoire d'une bande d'adorables jeunes filles, un brin marginal qui n'avait qu'un point commun, leur voix inoubliable lorsqu'elles chantent ensemble et ne forment plus qu'une seule personne. Nous sommes en direct depuis Washington où les Bellas de l'université Barden chantent pour le président des États-Unis à l'occasion de son anniversaire. Elle tourne. Non. Soyez forts. La voilà, la voilà. Le président a reçu un cadeau d'anniversaire au poil de la chanteuse australienne. Les Bellas sont éliminées pour l'instant. Vous êtes remplacés par les champions d'Europe. Nous sommes ta sound machine. Comment on va rivaliser avec eux? Moi, je suis pas censée avoir d'idée. Si on gagne les championnats du monde, vous nous réintégrez? Si vous gagnez. Cela fait 3 ans que les Bellas se sont imposées comme le premier groupe exclusivement féminin à remporter un titre national grâce à leur voix, leur style, leur attitude reconnaissable entre autres. Mais lorsqu'elles se retrouvent surtout dans un scandale qui risque de compromettre leur dernière année à Barden, les 3 championnes à l'esprit combatif estiment que cette fois elles ont perdu la bataille. Alors qu'il ne leur reste qu'une occasion de reconquérir le titre, les Bellas doivent se battre pour avoir le droit de concourir au championnat du monde de chant a cappella de Copenhague. Les Bellas, vous êtes minuscules. On va vous éclater. Votre équipe est, comment dire, nulle parmi les nuls. La nullité absolue, mais au carré. Parce que 0, c'est pas encore assez nul pour vous. Vous devriez abandonner. Il y a votre accent qui ressort, c'est de l'intimidation là? On a gagné la Seconde Guerre mondiale. Oh, boum. Quand j'évoquerai tout ça, c'est pas de la compétition que je me souviendrai, mais de vous, bande de tordus. Pareil. Pareil. Pareil. Les meufs, on va pas avoir que des amis. Ils vont nous regarder, nous, l'équipe américaine, et dire « Pourquoi la plus talentueuse, c'est une Australienne ?» Ces filles ont fait tomber une à une toutes les barrières sur leur chemin. L'exemple motivant pour toutes ces filles trop laides pour être des pom-pom girls. Entre la pression de la compétition musicale et la peur de rater leur année de terminale, les Bellas devront se serrer les coudes pour retrouver leur voix et remporter le championnat. Le film a engagé plus de recettes pendant le premier week-end de sa diffusion aux États-Unis que le premier opus sur toute la durée de son exploitation en salle. À demain pour un autre film sur Chaîne Inter. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back till I lose God. Make all my wishes. Antenne Inter. L'antenne est libre avec des moments de partage sur des sujets qui vous concernent. Prenez la parole sur Chaîne Inter tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Et surtout, excellent souvenir avec le Somalien Kainan, Wave and Flag, que vous écoutez évidemment sur la bonne fréquence. Merci d'être fidèle à Chaîne Inter. Et je vous rappelle qu'il y a le retour de l'info dans 14 minutes. Si je suis fort en maths, il sera 16h et on retrouvera bien sûr nos amis de la rédaction. J'en profite pour faire une petite piqûre de rappel concernant les invités avec un EES. Et vous allez comprendre pourquoi je reçois celle dont on peut être fier. Hein. Il s'agit d'une jeune architecte installée en France et il se trouve qu'elle est blogueuse de mode. Elle a toujours été passionnée et elle s'appelle Sophia Benzakour. Rappelons quand même que depuis près de 5 bonnes années, le nombre de blogueuses mode est en constante augmentation. Elles sont désormais des milliers à conseiller, à influencer les fashion victimes. C'est comme ça que je les appelle. Et parmi celles qui ont de l'influence dans ce domaine, il y a notre invitée Sophia Benzakour qu'on reçoit tout à l'heure à partir de 16h. Et ce n'est pas fini puisqu'elle nous l'avait promis lundi dernier. Elle est parmi nous cet après-midi et ça tombe bien puisque actuellement se déroulent les examens du baccalauréat et on reçoit Jihan Larichi. Jihan Larichi, elle est tout simplement coach scolaire, passionnée d'éducation et elle est fondatrice du site educationcm.com. Il va falloir l'encourager parce qu'elle a besoin de nous. Elle participe à la compétition JISTEC qui aura lieu durant le prochain GES au Kenya au mois de juillet et elle a besoin d'atteindre 5000 votes. Elle sera parmi nous tout à l'heure pour nous parler de son projet d'ailleurs avec lequel elle participe à cette compétition et surtout surtout nous donner la formule tout simplement pour aller voter pour elle. Jihan Larechi et Sofia Benzakour, c'est à partir de 16h. Restons en musique et on vous souhaite très bel après-midi sur Chaîne Inter. The party don't stop till I'm on the dance floor like 5, 6, 7, 8. We rockin' the club all day. Sit up and rockin' down here, around here. But it's about to get a little crazy up in here. Cause we can't escape this club. I'm about to tear it up and I can see. I got you trippin' for this. Oh, and I'm in Tennessee and Houston. We got a little problem. We got a little problem. I'm coming on a solve. Son frère jumeau, ils se font appeler Jedwards. C'est la contraction d'ailleurs de leurs deux prénoms et que vous écoutez uniquement en exclusivité sur chaîne Inter. Restez avec nous dans 3 petites minutes, le retour de l'info avec le point sur l'actualité de 16h. Et on attaque avec nos invités juste après. Excellent après-midi à tous et surtout très belle écoute. Merci d'apprécier le bon son sur Chaîne Inter en vous souhaitant un très très bel après-midi. Et nous, on se retrouve dans quelques instants puisque je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec Hello Maroc. C'est l'heure de l'info. Il est 16h. Mohamed Lahadji. Bonjour à toutes et à tous. Drame de Wadj Serrat. Deux corps ont été repêchés ce matin. Une fillette et le chauffeur du bus qui avait conduit les quelques 45 enfants à cette plage non gardée près de Bosnéka. Le bilan des victimes est porté désormais à 11 personnes. Deuxième jour du baccalauréat, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé aujourd'hui avoir entamé des investigations à propos de la fuite supposée de deux copies de l'épreuve des mathématiques, des filières des sciences expérimentales et des sciences et technologies sur les réseaux sociaux, appelant à poursuivre les examens d'une façon normale et à être vigilant et prudent face à tout ce qui pourrait perturber le déroulement des examens. À l'international, un attentat suicide a été déjoué aujourd'hui à Luxor, dans le sud d'Égypte. Il visait le célèbre temple de Karnak et aurait pu faire de nombreuses victimes. Il s'agit là de la seconde attaque qui visait des touristes en Égypte depuis la destitution du président Mohamed Morsi par l'armée en 2013. Au Yémen, trois membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués par le tir d'un drone dans une ville du sud-est du pays qu'ils contrôlent. Profitant du chaos provoqué par l'offensive lancée l'année dernière par les rebelles chiites houthis et de l'affaiblissement du pouvoir avec la fuite du président Abdrabou Mansour Hadi, réfugié en Arabie Saoudite, Al-Qaïda, dans la péninsule arabique Aqaba, s'est notamment emparé début avril dernier de la ville portuaire de Mukalla dans la province de Hadramaut. Le libre-échange dans la moitié orientale de l'Afrique, une idée qui se concrétise. Un traité a été signé aujourd'hui par les chefs d'État de 26 pays d'Afrique de l'Est et du Sud. Une signature à l'occasion d'un sommet qui se tient en Égypte. Le traité de libre-échange doit faciliter la circulation des biens et des marchandises dans la partie orientale du continent. Le pape François reçoit Vladimir Poutine au Vatican. Le président russe va tenter de rompre son isolement diplomatique au cours de cette brève visite aujourd'hui en Italie et au Vatican. Au menu de cette visite également, une rencontre avec le chef du gouvernement italien Matteo Renzi. 16h passées de presque 4 minutes sur Chaîne Inter. On se retrouve à 17h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bon après-midi. À l'occasion de la fête de la musique, l'Orchestre Symphonique Royal organise un concert de jazz exceptionnel. Au programme, un répertoire varié avec des œuvres des meilleurs morceaux de jazz, d'auteurs et d'arrangeurs très connus. Soyez tous au rendez-vous à 21h, le 12 juin à Casablanca, le 13 à Bab el Makina à Fès et le 15 à Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Chaîne Inter. De l'info, du sport, de l'art, de la culture, laissez-vous guider. Came between us, no could ever come above. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She woke me up daily. Don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying, baby, baby, baby, oh. Voilà, baby, vous l'avez sûrement reconnu, c'était Justin Bieber en duo avec Ludacris et que vous écoutez sur chaîne Inter. Il est 16h passé de 13 minutes et bien sûr, c'est reparti pour accueillir nos invités. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 18h et je souhaite bien sûr la bienvenue à ceux qui viennent de se brancher sur la bonne fréquence. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on reçoit une jeune architecte installée en France et dont on peut être fier puisqu'elle est passionnée de mode et croyez-moi donc, depuis quelques années, elle le partage avec tout le monde. Elle a bien sûr son nom sur la scène internationale désormais et c'est un plaisir de la recevoir pour la première fois sur chaîne Inter, Sophia Benzacourt. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Hichem, merci de m'avoir invité. Bah écoute, hein, c'est un plaisir franchement de te recevoir et surtout de te faire découvrir pour les rares personnes qui ne te connaîtraient pas. Sophia Benzacourt, donc architecte. C'est ça. Architecte d'abord. Architecte et blogueuse. Et architecte et blogueuse, on rappelle donc le nom de ton blog, donc c'est La Couleur du Moment. La couleur du moment, en tout cas, elle est au Maroc et on en a profité hein, pour la recevoir sur chaîne Inter, hein, parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, c'est le festival Mawazine, hein, donc qui est une des raisons hein, de ta présence au Maroc. Exactement, nous avons couvert le festival Mawazine avec d'autres blogueuses de Paris. Donc on a pu assister à plusieurs concerts et découvrir aussi la ville de Rabat. Donc pour ma part, je connaissais déjà, mais j'ai accompagné mes amies blogueuses. Et ben voilà, donc l'utile à l'agréable. On va y revenir en tout cas. Merci d'être avec nous sur chaîne Inter, Sofia Benzakour. Et bravo encore, hein, parce qu'on est fiers de toi. Et je vais expliquer tout ça pourquoi. De l'autre côté, il y en a une qui nous a promis de revenir. C'était lundi dernier. Elle est parmi nous. Elle est coach scolaire. Elle est passionnée d'éducation. Elle est fondatrice du site educationcm.com. Il va falloir l'encourager parce que c'est la seule demi-finaliste marocaine qui participe à la compétition JISTEC qui aura lieu durant le prochain GES au Kenya au mois de juillet. Elle a besoin de nous, on va voter pour elle et on l'accueille cet après-midi. Jean Larechi, Malhababik encore une fois. Bonjour Hicham. Voilà, oui, tu peux l'applaudir Sofia, franchement. Tu peux l'applaudir hein, parce qu'elle le mérite. Ça va Jean? Oui, ça va très très bien. Impeccable. Merci de me recevoir encore. Ben écoute, hein, donc il va falloir reparler de ton projet, il va falloir nous rappeler donc comment faut-il faire exactement pour voter pour Jihad Larechi qui, rappelons-le, participe avec un projet à caractère éducatif, si j'ai bien compris. Oui, totalement. Donc, j'ai un site éducatif de l'orientation des jeunes, lycéens et puis de l'enseignement supérieur. Et je suis la seule Marocaine à être semi-finaliste de la compétition du prochain GES qui aura lieu en présence du président Obama. Et pour voter, il faut aller sur la page Facebook Éducation CM. Vous y trouverez le lien. Sinon, sur notre site internet www.educationcm.com. Soyez nombreux à voter pour nous parce qu'on représente le Maroc, parce qu'on est là vraiment pour vous aider à faire évoluer vos enfants à travers l'orientation qu'on va proposer, qui va être beaucoup plus poussée que ce qui existe actuellement et va avoir une couverture internationale puisque ça va porter sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Et ça me tend la perche justement pour faire un petit coucou à ceux qui sont concernés par le baccalauréat donc, de cette année qui a démarré mardi et qui se poursuit donc demain, jeudi 11 juin. Et encore une fois, donc, on remercie Leila Azizi et Houria, donc Larizi, qui sont allés donc, nous donner la température, les impressions à chaud ce matin et en début d'après-midi, donc on aura quelques impressions de la part des futurs bacheliers, des candidats au baccalauréat, des surveillants, des professeurs et aussi les parents. En tout cas, on y reviendra tout à l'heure à partir de 17h, mais là, il va falloir quand même se concentrer, hein, donc cher Jean Larechi, hein, donc pour faire connaissance avec Sofia Benzakour. Donc, est-ce que Jean Larechi fashion, est-ce que tu suis un peu la mode? Oui, j'aime bien la mode. J'aime bien la mode. Après, je suis pas trop non plus. C'est mais moi aussi, j'aime bien, mais bon, je suis pas. Donc voilà. Donc on peut dire que tu es fashion victime ou pas? Pas trop. Pas trop. Voilà. Donc elle a de la chance. En tout cas, Sofia, ça va impeccable. Ça va très bien. Allez, Sofia Benzakour, on aimerait bien un petit peu mettre les auditeurs dans le bain et comprendre comment est venu, donc comment a été créé, comment est né ce blog. Donc la couleur du moment. Rappelons que tu es jeune marocaine qui a fait ses études au Maroc. Tu décroches ton baccalauréat, direction la France pour faire des études d'architecture. Exactement. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a toujours été passionnée par la mode, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. En fait, c'est dans le cadre d'un échange universitaire à Milan que j'ai eu assez de temps pour me mettre plus dans le côté mode. Du coup, je me suis lancée et j'ai créé mon blog de mode, donc la couleur du moment. J'ai fait ça en fait pour partager un peu ma passion avec au départ plutôt mes amis et finalement ça a pris des proportions un peu plus importantes et j'y ai pris goût et depuis j'ai pas arrêté, ça fait quasiment 3 ans mais si j'ai bien compris donc cette passion pour la mode donc elle existait depuis toujours hein, donc au collège, tout au lycée donc est-ce que déjà Sofia Benzakour était entre guillemets une référence? faut demander. Est-ce ça, que tu avais ton propre look, ton propre style? Donc, est-ce que tu te démarquais des autres déjà quand tu étais au collège ou au lycée? Alors, j'aurais pas la prétention de dire oui. On est entre nous. J'espère, voilà. Mais en tout cas, j'ai toujours fait attention. Ça a toujours été assez étudié, on va dire. Mais c'était plus une envie d'être originale, on va dire. Qui se traduisait par le vestimentaire. Après, c'est vrai que habitant à Fès, les magasins, tout ça, il n'y en avait pas énormément, surtout à l'époque. Du coup, ça, c'est vraiment, j'ai pu vraiment développer ce côté-là une fois à Paris, ce qui est une des capitales de la mode. Bah oui, elle a atterri là où il faut, d'ailleurs. Voilà. Au bon endroit. Exactement. Et donc, grâce à cet échange, donc Erasmus, si j'ai bien compris. Donc, tu te retrouves à Milan, donc autre capitale de la mode aussi. J'ai pas choisi par hasard. Et donc, c'est là où est née en fait cette idée de blog, de partager avec les autres? En fait, j'avais toujours eu cette idée-là parce que j'étais moi-même je suivais beaucoup de blogueuses mode sans vraiment avoir le courage de me lancer. Et en fait, c'est le fait d'être là-bas, d'être un peu loin, on va dire, et un peu loin des regards que j'ai osé et je me suis lancée. Ah bah voilà, tu me prends la pêche parce que j'y arrivais justement, parce qu'il faut quand même du courage. Là, j'ai le plaisir de te coller depuis quelques minutes, on va dire. Et donc, je me dis qu'il faut quand même du courage pour oser, surtout toi, oui. Sophia Benzacourt. Alors il m'a fallu du courage parce qu'il faut assumer le côté et de l'audace. Un peu égocentrique, on va dire, parce que c'est beaucoup de photos de soi. Et il faut accepter qu'il y ait des gens qui critiquent, qui ne comprennent pas au départ aussi le but d'une telle démarche. Du coup, oui, c'était pas facile, mais justement, le fait d'être un peu excentré, d'être aussi l'expérience Erasmus, c'est une expérience où on rencontre beaucoup de gens. Du coup, j'étais vraiment dans le partage. Je me suis pas tellement posé la question à me dire qu'est-ce que les gens vont penser de moi en France ou au Maroc. Voilà. Donc là, elle était libre, tout simplement. Elle était free to do what she wants. C'est comme ça, en tout cas, Sophia Benzacourt. Donc le choix aussi, donc est intéressant du nom du blog, la couleur du moment, donc. Oui. Alors, c'est made by Sophia ou inspiré d'autre chose? C'est inspiré. En fait, un de mes films préférés, c'est la couleur des sentiments. Et en fait, j'ai pensé à la couleur du moment parce que pour moi, la mode, il y a des pièces qui sont intemporelles. Mais on va dire qu'aujourd'hui, la mode, c'est plus le moment présent, c'est plus au coup de cœur. Et j'ai choisi ce nom-là parce que c'est vraiment des instants de ma vie aussi que je partage sur mon blog et avec les gens qui me suivent. Voilà. Est-ce que les gens qui te suivent, justement, ne sont que des accros à la mode ou on a vraiment un peu de tout? Oui, justement, j'ai eu le plaisir d'en rencontrer plusieurs, notamment au Maroc. Et je me suis rendu compte que non, il n'y a pas forcément que des fashion addicts. Il y a des gens qui aiment bien aussi les voyages. Je poste aussi sur mes voyages, sur l'architecture également. Du coup, je pense qu'il y a un peu de tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui aime beaucoup la mode, qui me suit. Est-ce que Sophia Benzacourt aurait pu suivre des études, hein, puisque tu as toujours été passionnée de mode avant de démarrer tes études en architecture? Est-ce que tu aurais pu donc suivre des études en rapport avec le domaine directement? Tout à fait. C'est vrai qu'il y a des moments où je me dis que c'est des études que j'aurais pu suivre, mais je pense que les études d'architecture sont assez artistiques et permettent de rebondir sur plusieurs domaines. Du coup, je ne regrette pas. Et puis, peut-être que j'aurai l'occasion de faire une autre formation dans ce domaine-là. En tout cas, on va tout de suite retrouver les impressions, parce qu'on a posé la question, on ne pouvait pas s'en empêcher, hein, donc de parler de mode aux jeunes qu'a rencontré Leïla et Houria dans la rue. Est-ce que vous êtes, vous aussi, fashion victime? Est-ce que vous aussi, vous intéressez à la mode? Les réponses. Non, pas exactement. Si j'aime quelque chose, je l'achète, je le porte. Sinon, je vais pas le porter, même si c'est de la mode. الواحد ما خصوش فيما يشوف شي واحد كيلبس شي حاجه خصو يدير بحالو. الواحد خصو يكون ستايل ديالو ملي تعجبو شي حاجه ياخذها. لا، انا ما كنتبعش الموضه لان كنعمل بحاجه، لان كنت كترتاح في شي حاجه تلبسها، ما كنتش كترتاح فيها. لا، بالنسبه ليا انا ماشي شي حاجه ضروريه. نقد نلبس شي حاجه اللي انا مرتاحه فيها، ماشي ضروري انها تعجب الناس، ولكن نكون انا يعني ستايل ديالي ومرتاحه فيه. كاينين الناس اللي متبعين اللي هما ضحيه ديال هاد الموضه، يعني كيتسناو غير فوقاش تخرج شي حاجه جديده باش يتبعوها، ضروري كيكونوا يعني مدمنين على هاد الحوايج، خصهم ضروري يبانوا باش يرضيو الاخرين، ماشي كينساو الراحه ديالهم بعض المرات باش يرضيو الاخرين. انا بالنسبه لي ماشي هكا، بالنسبه لي نقدر نتبع ستيل ديال ماما اللي هو قديم ونكون انا مرتاحه، ولا انني نرضي واحد اخر باش نبان زعما راه في الموضه. وكاين اللي كيعتبرها انها زعما تفتح، ولا زعما كيكون بنادم مثقف ولا شي حاجه ما عندهاش علاقه بداكشي. Effectivement, je suis de la mode, bien sûr. خصني ديما نكون متابعين لا مود باش نبانو زوينين في الزنقه وهذا، حيت لان الحوايج راه كل عام كيخرج ان ستيل جديد، ما كاينش نبقاو نلبسو داكشي الحوايج القدام، خصني ديما نبانو جداد ونبانو نقيين. لابسين مزيان. Je ne suis pas la mode en fait. Je suis pas une fan de la mode. Alors je m'habille naturellement comme toutes les filles, mais je suis pas vraiment une fan. Je ne suis pas la mode. Non, je suis pas les tendances. Chaque jour, ça dépend du jour, ça dépend du météo et voilà, c'est tout. Eh ben voilà, ça dépend d'énormément de choses apparemment. Mais j'ai envie de rebondir donc sur les impressions de Sofia Benzakour, parce que les deux d'ailleurs, même Jeanne, la Réchi était en train de gigoter. Donc qu'est-ce qu'elle écoutait, Sofia? Alors. Alors je suis tout à fait d'accord avec une des intervenantes qui disait que la chose la plus importante c'est d'être à l'aise dans ses vêtements, ça c'est évident. Toutes les manières, on peut pas suivre la mode juste pour être à la mode. Il faut se sentir bien pour que justement ça donne bien sur soi. Après d'autres intervenants ont dit que c'était pas possible de suivre la mode parce que ça sort tous les mois, presque toutes les semaines si on suit par exemple des grandes enseignes. Et que ça revient cher, voilà, quand même. Voilà. Ça revient cher. Ben, justement, les blogs sont là pour vous montrer aussi des moyens de mettre en valeur des choses différemment, de porter des vêtements vintage d'une certaine manière. Aussi, il y a des sections do it yourself qui vous apprennent aussi à customiser vos propres vêtements. Du coup, je pense qu'il faut savoir traiter la mode intelligemment, d'une nouvelle manière. On n'a plus besoin d'être super riche pour être tendance. Non, pas forcément. Justement, voilà. L'idée même des blogs au départ, c'était de montrer des filles stylées qui s'habillent avec des marques très abordables. Donc, c'était ça le départ. Après, ça a évolué parce que de nos jours, il y a aussi des blogueuses qui collaborent avec de grandes marques de luxe. Et du coup... Ça change, mais il y a de tout, voilà. Crois-moi qu'on y reviendra tout à l'heure, justement, parce que ces blogueuses dont je vous parle, et comme je l'ai dit, donc elles sont devenues super influentes, elles font de l'ombre au magazine mode, elles sont bien sûr sollicitées par les grands créateurs, et on y reviendra tout à l'heure avec Sofia Benzakour, et on reviendra bien sûr à Jeanne Laréchi, donc coach scolaire, donc on rappelle donc qu'on reparlera tout à l'heure du baccalauréat, et en même temps, donc il y a un point commun entre vous deux dont on va parler tout à l'heure, et voilà, donc pour un 10, l'habit ne fait pas le moine ou l'habit fait le moine finalement, Jeanne. Donc on verra tout à l'heure. Est-ce que l'aspect vestimentaire est super important pendant un entretien d'embauche? Ça sera tout à l'heure. Sinon, 6h26, excellente écoute à tous. Thank you. Nile Rodgers qu'on vient d'écouter sur Chaîne Inter. Il est 16h passé de 28 minutes et merci à ceux qui viennent de se joindre à nous. Ouf de soulagement, j'imagine, après une bonne journée au travail. En tout cas, merci de rester avec nous. Nous serons encore ensemble jusqu'à 18h et toujours avec Sophia Benzakour, la blogueuse mode et surtout un donc architecte. Il faut pas l'oublier, n'est-ce pas, Sophia? Donc, oui, ça aussi, ça. Donc, ça compte. Et bien sûr, toujours en compagnie de Jeanne Larechi, coach scolaire, passionnée d'éducation et surtout, il va falloir l'encourager et voter pour elle, n'est-ce pas, Jeanne Larechi? Ah oui, totalement. Oui. On vote pour toi. Et pourquoi il faut voter pour Jeanne Larechi? Oui, il faut voter parce que je suis semi-finaliste pour la compétition du prochain GES où sera présent le président Obama. Et puis voilà, on va, si vous nous aidez, on va vraiment parler devant Obama, quoi. Donc, ça serait bien. Il faut quand même rappeler que le plus important, c'est que tu participes avec un projet à caractère éducatif, hein, donc qui t'a permis d'être en demi-finale à cette compétition. Totalement, ouais. C'est un site d'orientation dans toute l'Afrique. Et puis, il faut voter sur Éducation CM, notre page Facebook ou notre site internet www.educationcm.com. Les votes sont ouverts jusqu'à demain 17h. Et puis, il faut voter en masse, s'il vous plaît, pour qu'on passe en finale. Et ben voilà, tout simplement, Jeanne Larechi. On va revenir à elle tout à l'heure et bien sûr, on va se reconcentrer sur le monde de la mode et surtout le monde des blogueuses de mode qui ont carrément changé la donne, n'est-ce pas, Sophia? Donc, énormément de choses ont changé depuis cette émergence de blogueuses. Là, on parle de carrément faire de l'ombre aux magazines spécialisés. Vous êtes aussi sollicité par les marques. Oui, tout à fait. Oui, beaucoup de choses ont changé parce que les marques et les magazines se sont rendu compte de l'influence des blogueuses et donc on commençait à collaborer avec. Donc, est-ce que c'est le cas aussi pour Sophia Benzakour? Oui, tout à fait. Ben, j'ai la chance. Bien sûr, sans citer de marque. parce que sinon, je vais me faire virer demain. Donc, toi aussi, tu collabores avec. C'est ça. En fait, j'ai la chance d'être représentée par une agence de blogueuses à Paris qui me permet en fait d'avoir des collaborations avec des marques françaises et internationales. Mais j'ai également eu des parutions dans des magazines marocains, ce qui fait que grâce à cette double en fait exposition, je suis contente d'être connue en France et au Maroc. La couleur du moment, c'est le nom du blog de Sophia Benzakour et on rappelle quand même que c'est quand même 13 000 followers sur ta page Facebook, oui, c'est 12 600 followers sur Instagram. C'est ça. Et c'est surtout 5000 visiteurs par jour. Non, pas par jour. C'est plus 10 000 visites par mois. 10 000 visites voilà. Par mois. Voilà, j'aurais bien aimé, mais. Bah, écoute, hein, donc, j'espère que je te porterai bonheur. Hein, donc, elle aura peut-être 5 000 visiteurs donc, par jour. Alors, est-ce qu'on peut définir le style, justement, de Sophia Benzakour? Est-ce qu'elle a un style propre à elle? Alors, c'est vrai que mon style est assez hétéroclite, on va dire, dans le sens. Cela nous intéresse. Dans le justement. Sens où j'aime bien changer de style, adopter des looks différents, un peu sophistiqués ou un peu moins sophistiqués, style rock ou bohème ou voilà. J'ai c'est pas selon vraiment ton mood, j'ai l'impression. Exactement. En fait. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'aiment bien les gens qui me suivent parce que justement, ça fait une large palette de styles, de looks et on sait. C'est que sur le blog, on ne va pas trouver tout le temps le même style. Voilà. Est-ce que c'est vrai que vous avez quand même donc, quelques petits avantages avec les marques, les créateurs donc, oui. Tu peux nous confirmer ça, parce que ça nous fait rêver, nous. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on me demande souvent ça. Alors, est-ce que tu reçois des choses? J'y allais, elle est chez toi. Donc, toi aussi, donc, quand tu entends ça, donc, une blogueuse qui a la chance d'avoir... Je le sais. Et ça te fait quoi, justement? Moi, ça me fait plaisir pour elle, parce que tu ne peux pas faire la publicité de quelque chose si tu ne l'as pas essayé. J'ai oublié que je posais la question à quelqu'un en pleine campagne, qui ne peut être que sympa. Non, mais je suis content pour elle. N'oublie pas de voter pour moi, Sophia Benzakour. Toi aussi, Chama, tu vas voter pour moi. Je suis sympa, oui, totalement. Non, mais c'est vrai. Donc là, vous avez quand même des avantages. Est-ce qu'on vous prête des fringues? Est-ce qu'on vous donne des fringues? Est-ce qu'on vous vend des fringues? Alors, il y a des vendre, non, je crois pas. Il y a de tout. C'est vrai qu'on a des petits avantages, c'est-à-dire qu'on nous envoie des produits pour tester, des produits de beauté, par exemple, aussi des vêtements pour les mettre en avant sur le blog. Après. Ça dépend en fait de la notoriété et l'influence de la blogueuse. C'est-à-dire que plus elle aura d'influence et plus elle sera mise en contact avec des marques très, très connues. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes rémunérée, les blogueuses? Alors oui, alors c'est soit du rémunérement en nature, comme je viens de l'expliquer, c'est-à-dire avec des produits, des vêtements, ou c'est vraiment une rémunération. Il y a un cachet, voilà. Donc voilà, pour des opérations oui, particulières. Oui, parce que des fois, c'est des articles que vous écrivez. Tu écris des articles, toi ? Tout à fait. Bah, voilà, donc c'est à travers des c'est articles vendre sponsorisés. Le produit, tout simplement. Ouais. Voilà, alors, il y a deux choses, en fait. Il y a des articles sponsorisés, effectivement, comme tu le disais. Mais il y a également, dans des opérations particulières, la possibilité d'être rémunéré dans le cas où il y a vraiment plusieurs articles à faire, une vidéo à produire. C'est en fonction en fait du travail, parce que c'est un travail. J'imagine, à fournir. Voilà, donc voilà. Parce que c'est quand même un travail donc à plein temps normalement. Et toi, justement, tu es architecte, donc ouais. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce que tu as trouvé un moyen justement de relier l'architecture et la mode et ton blog ? Alors c'est vrai que donc quand j'ai commencé mon blog, j'étais étudiante en architecture. C'était plus facile dans le sens où j'arrivais à prendre du temps libre sur mon temps de travail pour moins de responsabilités, voilà. Côté architecture, c'est exactement. Normal. Mais maintenant, elle a les RTT aussi. Mais, je ne sais pas si elle l'applique. Mais c'est vrai que cette année, j'étais en agence d'architecture, c'était plus difficile. J'avais l'impression d'avoir une double vie. C'est-à-dire que la journée, j'étais architecte et le soir, blogueuse. Et schizophrène aussi, voilà, parce que c'est vraiment deux personnages non, complètement. Ça a toujours été le cas. J'ai toujours eu plusieurs personnalités. Je vais bien nous prévenir. Non, c'est vrai que c'était pas facile de jongler entre les deux, mais faut bien. Voilà. Et c'est toujours intéressant d'avoir deux activités. Tu as commencé quand ton blog ? J'ai commencé il y a quasiment 3 ans, septembre 2000. Ça veut dire qu'elle ne suit c'est pas. C'est une très très belle avancée. C'est une très très belle avancée. Félicitations, c'est magnifique. Elle a fait boom, tout simplement. Elle influence des jeunes, des moins jeunes. Donc c'est ça. Donc il y a un style particulier de Sophia Benzakoul. Et d'ailleurs, Leila Azizi et Houria, donc curieuses comme elles sont, donc elles ne se sont pas empêchées de poser cette question donc, aux jeunes filles qu'elles ont rencontrées. Est-ce que vous pensez que les blogueuses influencent tout le monde, les jeunes en particulier ? Les réponses. Les jeunes femmes sont très très influencées par les blogs de la fashion ou Ada. Et surtout, Hassan Had le. كيأثر بزاف على البنات اكثر من الدراري دونك بعض الدراري كيلبسوا دي فوا عادي هذا ما كيسوقوش من البنات متبعين بزاف لا مود كيدخلوا لي سيت هو اثر عليهم الصراحه بزاف كيبقى ان بنادم مشغول براسو خصو غير يبان باش يرضي الاخرين خصو ضروري يتبع داكشي اللي جديد يتبع الجينيراسيون اللي كاينه دابا وداكشي صافي كتبقى من تما ديك الساعات غير باللباس ديالها خصها ضروري ملي تكون خارجه تكون لابسه مزيان كتبع داكشي اللي في المجتمع ديالها يعني خصها ضروري تواكب ديك الموضه ما كتبقاش ديك الساعات يعني كتختار داكشي اللي يعني هي باغاه يعني كتضطر انها تلبس شي حوايج واخا ما تكونش باغاهم بعض المرات يعني خصك تلبسهم حيت مع الموضه ما عندهم ما يدار وفهمتي تيضيعوا بنادم وقته وقت اللي قد يستعمل بزاف ديال الحوايج اللي اهم من يتبع الحوايج ويتبع شي حاجه وي جو كرو كو فريمون ils ont un grand impact et une grande influence sur les jeunes filles parce que les jeunes filles elles sont vraiment très accro à la mode en ce qui concerne l'aspect vestimentaire en ce qui concerne le maquillage, le make-up. Alors, ils ont un grand influence sur les jeunes filles. Eh ben voilà, donc le message est clair. Hein, donc, c'est que vous avez de l'influence sur ces jeunes filles, Sophia. Et j'imagine que tu ne peux que le confirmer. Alors, je pense oui, parce que j'ai été la première à être influencée par des blogueuses et donc, au final, à créer le mien. Mais en fait, je voudrais rebondir sur ce que disait un jeune homme. Il disait que les filles étaient plus influencées que les garçons. Mais en fait, moi, je connais beaucoup de blogueurs hommes. Et d'ailleurs, au Maroc aussi, on a plusieurs blogueurs hommes très connus. Et du coup, en fait, c'est vraiment quelque chose qui influence tout le monde, pas seulement les filles. Voilà, donc finalement, tout le monde est concerné par la mode. Donc, et c'est vrai qu'elle a raison, Sophia Benzakoul. C'est de quoi elle parle. On va se faire une petite pause, Sophia, et on va revenir à toi dans quelques instants. Et en même temps, donc, je rappelle donc, le blog, allez jeter un œil dessus. Et croyez-moi, c'est intéressant, la couleur du moment, c'est comme ça que c'est baptisé. Et on va revenir à Jean Larechi pour, encore une fois, rappeler qu'il va falloir l'encourager. Il est 16h38, excellent après-midi à tous et surtout, bonne fin de journée. cover one more time. Check it out. Everybody needs to know that. Ah ben voilà, un coucou spécial à ceux qui viennent de se brancher sur la bonne fréquence. Merci d'être avec nous sur Chaîne Inter. Et en cours de route, c'est Le Maroc qui se poursuit jusqu'à 18h. Et nous parlons mode cet après-midi, c'est normal, puisque je suis en compagnie de Sofia Benzakour. Bienvenue à toi, Sofia. Sofia, ça va impeccable? Ça va très bien. Oui, là, on le rappelle quand même. Elle est blogueuse mode, elle est installée en France. Et son blog, donc, c'est tout simplement la couleur du moment. Et rappelons qu'elle est aussi architecte. Hein. C'est ça. Très important, Sofia. Il y a bien sûr aussi avec nous Jael Arichi, donc notre passionné d'éducation, notre coach scolaire qu'il va falloir encourager parce qu'elle participe à la compétition GISTEC, donc qui aura lieu pendant le prochain GES au Kenya au mois de juillet. Et n'est-ce pas, Jael? Oui, totalement. Oui. Pour que nous soyons qualifiés, on a besoin de vos votes, on a besoin de votre solidarité. On est actuellement à 3900 votes et puis les votes se terminent demain 17h. Donc pour nous aider, il faut voter sur www.educationcm ou notre page Facebook Éducationcm. Ça vous donnera le lien direct du vote. Et puis, rappelons-le, c'est pour notre orientation à tous en Afrique. Eh bien, voilà. En tout cas, puisque toi, tu es spécialisé en coaching, en conseil, donc on va revenir à toi dans quelques instants. Et surtout qu'il y a un point commun avec Sofia Benzakour, hein, puisque, comme on dit, hein, donc l'habit ne fait pas le moine. On va vérifier si c'est vrai ou pas dans quelques instants avec Jeanne et avec Sofia. On rappelle donc la couleur du moment, c'est 13 000 followers sur Facebook, c'est 12 600 followers sur Instagram et donc c'est plus de 10 000 visiteurs par mois. Voilà, donc attention, attention à ne pas faire la même erreur que tout à l'heure. Alors j'ai envie quand même de revenir à à ton style, puisque il se trouve quand même que tu es marocaine, installée en France. Est-ce que le fait que tu sois marocaine, donc t'influence dans ton style, dans ton choix, dans ce que tu proposes justement à tes followers? Tout à fait. En fait, j'aime vraiment tout ce qui est attrait à la mode marocaine et le bildi, en fait. Mais c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, je suis habillée plutôt à la parisienne, on va dire. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, quand je rentre au Maroc, j'essaie toujours d'aller chercher des petits articles, surtout des accessoires, des bracelets, tout ça qui rappelle un peu le Maroc, des colis berbères, tout ça. Je trouve ça très beau et je trouve que ça rend très bien. Non, parce que je t'apprends rien du tout, hein, donc j'imagine, hein, que tu dois savoir. Donc ça bouge énormément, hein, côté mode au Maroc, donc on a des Fashion Week, on a de gros événements qui se déroulent au Maroc, on a des créateurs de renommée internationale, donc ça aussi j'imagine que tu dois en tenir compte, hein, pour en tant que Marocaine résidente en France, ça peut être une valeur ajoutée, hein, par rapport aux autres. Oui, exactement. Et j'ai eu la chance justement de commencer à collaborer également avec des marques marocaines. Du coup, j'en suis très fière et j'espère que ça va continuer et que ça va évoluer. Et oui, je suis complètement cette évolution de Paris. Mais j'aimerais peut-être un jour en faire partie parce que j'aimerais beaucoup créer ma propre marque et peut-être mes propres créations. Voilà, parce que justement, c'est ce que j'allais te demander, hein, ce que j'allais te demander d'abord. Est-ce que vous, en tant que blogueuse, hein, les blogueuses en général, est-ce qu'elles donnent leur avis donc aux créateurs, donc aux marques donc avec qui elles collaborent? Est-ce que toi aussi ça t'arrive de donner ton avis, donc changer ci ou ça? Alors moi pour ma part ça m'est pas arrivé, c'est-à-dire que c'est plus un rapport de mise en valeur des vêtements finis. Mais c'est vrai qu'il y a des blogueuses qui sont très proches de designers très connus et dans ce cas-là, je pense qu'elles ont une influence aussi sur la production et la création. Et ben voilà, en tout cas, donc ça ne peut être qu'un avantage pour nous, hein, parce qu'en même temps, donc elle fait la promotion du style et de la culture, hein, donc marocaine. On rappelle que tu es marocaine, hein, donc justement pour le festival Mawazine. C'est ça. Et donc tu as été accompagnée par plusieurs autres blogueuses françaises. Exactement. On a eu la chance d'être invitées par Maroc Culture. Donc pour ma voisine et en fait j'ai fait le voyage avec d'autres blogueuses françaises et c'était vraiment très très agréable. Elles ont beaucoup aimé leur séjour au Maroc et j'étais vraiment très fière. Quand il y a des blogueuses qui viennent de France pendant le festival Mawazine, oui, bien sûr il y a les des concerts, j'imagine, on se fait plaisir, mais en même temps, donc, c'est quoi le programme de la journée? Vous faites que prendre des photos des... C'est vrai que... c'est vrai qu'on prend beaucoup de photos dans la journée. C'est... J'imagine, ouais. Mais au-delà de ça, on a visité la Médina de Rabat. On est allé aussi au musée d'art contemporain. C'est vrai que en fait, elles étaient là que deux jours. Moi, j'étais déjà au Maroc. Du coup, j'ai eu le temps de faire d'autres choses. Mais elles étaient là que pour deux jours. Du coup, c'était pas, il y avait pas, voilà, le temps de visiter tout ce qu'on voulait voir. Quelle sera la tendance cet été? Puisque tu es avec nous, on en profite pour être tendance, pour être in l'été 2015. Mais il faut aller sur le blog. Nous, on est des paresseux. On profite donc de Sophia Benzakour. Voilà. Je pense qu'il faut toujours miser sur des basiques. Et l'été, c'est toujours des petites robes blanches pour la plage ou pour le soir. Voilà, c'est du jean, des shorts en jean, des tuniques aussi. Moi, j'aime beaucoup des tuniques style caftan à mettre à la plage. Voilà. Je suis allé quand même fouiner sur son blog. J'ai vu donc un accessoire donc qui revenait assez souvent. Ouais. C'est les spartiates. Ouais. Ça, c'est très Sophia Benzakour. Ouais, j'aime bien ça. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe avec les spartiates? Bah écoute, c'est le truc. En fait, c'est le côté marocain qui ressurgit. Bah c'est, je trouve ça vraiment très élégant. En fait, j'aime bien l'histoire et je trouve que ça fait un air un peu médiéval comme ça, ou non, plutôt voilà, antique. Et du coup, j'aime bien. Voilà, j'aime donc bien je ça. Voilà, c'est partage avec c'est les autres. Ouais, c'est comme ça. Et voilà. C'est le but justement de son blog, la couleur. Et la question posée, c'est quelle est la couleur du moment? Quelle est la couleur du moment? C'est le blanc. On me pose tout le temps cette question. Ouais, ouais. Bah écoute, la couleur du moment, je dirais que c'est celle qui nous va le mieux au final. Voilà, j'esquive. Carpe diem, tout simplement. Voilà. C'est ça la philosophie de Sophia Benzakour. En tout cas, justement, tu fais bien donc d'intervenir, Jeanne Larechi, parce que toi aussi, tu es coach et tu conseilles donc les gens en général avant des entretiens d'embauche. Et on dit que l'habit ne fait pas le moine ou l'habit fait le moine, à votre avis, les filles? Justement, avant l'antenne, on était en train d'en parler avec notre blogueuse. Et ça dépend en tout cas. Je vais te laisser réfléchir. Voilà. Je vais te laisser réfléchir. Je vais laisser Sophia aussi réfléchir et je vais vous laisser découvrir justement la réponse à cette question, le style vestimentaire. Est-ce que c'est super important lors d'un entretien d'embauche? Les réponses. Oui, malheureusement, nous avons fait un travail de chiclias bizarre. Donc, le واحد qui a un labs costume, il va se ou le واحد qui a un labs survêt, ou le chargement, il va se faire démocher. Benis Balia, un concours, un américain doit l'entretien à la douche, là. Tu as un douima, ou tu as un chauffeur, tu as un chauffeur. Ah, tu as un chauffeur, un peu plus là. Maintenant, tu as les filles qui sont bah, c'est pas juste pour les apparences ou bien quelque chose, mais juste pour le respect des autres. Bon, quand tu viens dans un style qui est respectueux pour les autres, propre, on va pas juste t'accepter parce que ton apparence est propre, mais on va te donner plus de temps pour t'exprimer. Effectivement, l'entretien d'embauche, ce qu'on dit, mais c'est bien sûr, il faut être présentable. Mais je dis comme quoi, le jour où tu travailles, tu vas être bien, ou la société t'a oublié, tu vas être bien. Donc ce qui fait, donc, le fait d'être bien habillé lors de l'entretien d'embauche prouve que tu es bien le style vestimentaire. Un point positif, c'est que bien sûr, tu dois être bien préparé le déchet. Par exemple, c'est le style vestimentaire d'hier. Parce que le style vestimentaire, où tu feras ce que tu as amour ou ajout de culture. Il y a une madhara qui est importante pour que l'entretien qui chauffe au haja ou le madhara dialo. Et ce qui est le madhara, c'est le madhara qui est le cas de la chasse. Il y a des gens qui ont des labs mizien ou qui ont des capacités pour que tu aies des labs mizien. Je suis en entretien, il y a des labs mizien. باش يبين واحد الصوره لواحد الانطباع يعطي واحد الانطباع بهذا الشكل اللي زوين ولكن خصني نحكم عليه من العقل خصني نجلس معاه كنشوف العقليه ديال الانسان اكثر ما كنشوف الشكل. Et ben voilà, finalement, l'habit fait le moine, hein, les filles. Sophia, alors je te laisse un petit peu nous donner tes impressions après ce que tu as écouté. Alors moi, je pense que c'est évident qu'il y a toujours on donne toujours une importance au vestimentaire. C'est la première impression, en fait, qui compte vraiment. Et c'est pas une question de superficialité de se dire je vais m'apprêter pour aller à un entretien ou une rencontre. n'importe laquelle. C'est juste se donner toutes les chances, en fait, de pouvoir bien se présenter. Voilà, tout simplement. Jeanne, est-ce que toi, ça t'arrive justement de revenir sur cet aspect, sur ce point, donc l'aspect vestimentaire, quand on te demande conseil? Bah, écoute, totalement. En fait, premièrement, déjà, tout dépend du pays. C'était la deuxième réponse que j'allais apporter tout à l'heure, c'est que tout dépend du pays. En tout cas, au Maroc, l'aspect vestimentaire est très, très important. On prend d'autres pays comme les États-Unis. C'est pas si important que ça pendant l'entretien. Et pour en revenir à un autre pays, oui, pourquoi c'est important? Parce que ça montre juste que, voilà, on apporte de la valeur à sa candidature. C'est comme ça que c'est pris par l'employeur. Donc, oui. Donc oui, la vie fait le moine. Est-ce que quand même, puisqu'on en profite, hein, Sophia, parce que des fois on peut être pas assez habillé ou des fois un peu trop habillé pour l'entretien. Donc est-ce qu'il y a quand même un code vestimentaire pour un entretien d'embauche? C'est vrai qu'on peut vite tomber dans le too much, mais du coup, il faut vraiment être à l'aise dans ses vêtements parce que avec le stress, tout ça, vaut mieux se sentir bien dans ce qu'on porte pour pouvoir penser plutôt à ce qu'on va dire pour l'entretien. Et puis oui, ne pas être trop apprêté, parce que sinon ça fait pas très sérieux, je pense, peut-être. Message reçu, crois-moi, 5 sur 5, Sophia Benzakour, avec son blog, donc La couleur du moment. Et bien sûr, je rappelle que tout à l'heure, donc Jeanne Larissé, donc toi tu restes avec moi donc jusqu'à 18h, puisqu'on va revenir sur la compétition à laquelle tu participes. Donner aussi, bien sûr, donc rappeler aux auditeurs qu'il va falloir voter pour toi. Et en même temps, donc on reviendra sur les impressions, hein, donc des candidats au baccalauréat, donc les impressions récoltées par Leïla et Houria ce matin. Et en début d'après-midi, Sophia Benzakour, puisque c'est la première fois qu'on te reçoit, et j'espère que ce ne sera pas la dernière, n'est-ce pas? Voilà. J'espère. Reviens nous faire un petit coucou à chaque fois que tu Avec veux passage plaisir. Au Maroc. Et n'attends pas ma voisine. Voilà, n'attends pas ma voisine, donc pour venir nous faire un petit coucou. On va quand même te poser quelques petites questions, histoire de mieux te connaître. Quelle est d'abord la qualité principale de Sophia Benzakour? Je sais que c'est dur de parler de soi. Je me répète tous les après-midi, je pose cette question et j'enchaîne après, même si je sais que c'est très difficile de parler de soi. Mais quand même, on sait tous quelle est quand même notre qualité principale, ou une de nos qualités. Je pense être assez à l'écoute. Assez à l'écoute. Oui, j'aime bien écouter, conseiller. Là, tu m'écoutes, tu m'entends, voilà. Et tu m'écoutes. C'est ça. Elle m'entend et elle m'écoute. Je le fais bien. Voilà. Je me sens écouté, comme ça. Voilà, donc c'est sa qualité à Sophia. Quel est par contre le défaut principal de Sophia Benzakour? Je peux être susceptible. Mm-hmm. Et puis, peut-être, des fois, j'aime bien faire trop de choses en même temps et du coup, c'est difficile à gérer après. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant dans ton travail de blogueuse? Alors déjà les rencontres, comme aujourd'hui, je suis vraiment très contente d'être avec vous et d'avoir l'opportunité de parler à un grand nombre. Vraiment, le plaisir est pour nous, madame. C'est incroyable. Et non, c'est vraiment les rencontres que j'ai faites, que ce soit en France ou à l'étranger ou au Maroc aussi. Et ben voilà, en tout cas, pour finir, si Sophia Benzakour, l'architecte, devait donner un conseil à Sophia, la blogueuse, ça serait quoi comme conseil que tu te donnerais à toi-même? Continue. Aïe, bravo, franchement. En tout cas, nous aussi, on t'encourage. Merci Continue, beaucoup. On croise les doigts pour toi, bien sûr. Le Merci blog beaucoup, de Sophia Benzakour, donc La couleur du moment. Et bien sûr, tu reviens quand tu veux, marhaba avec Sophia Benzakour. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Allez, bien sûr, Jeanne, nous on se retrouve, toi et moi, tout à l'heure avec les auditeurs, n'est-ce pas? Oh, totalement, oui, je suis totalement, là, totalement, là, totalement, elle est là. Toujours la pêche, Jeanne Alechi. Et je rappelle que dans 4 minutes exactement, le rendez-vous de l'actualité avec le point de 17h. Je vous dis très belle fin de journée à tous et merci de rester sur Channel Inter. We'll be right back. غدا تحصلوا الى وجدتوا مزيان واعتمدتوا على ريوسكم قرايتكم تنفعكم اليوم في الامتحان وغدا في حياتكم وكاع اللي عندهم الامتحانات هذا العام الله يعطيكم النجاح قولوا امين. قدمت لكم هذه الوصله من طرف وزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني. 17h c'est l'heure d'un point sur l'actualité. Mohamed Laji. Bonjour à toutes et à tous. À la une, ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale à propos de la supposée fuite des épreuves du bac. Il s'agit de sujets qui ont été donnés lors d'une précédente session et non pas des sujets de cette année, que ce soit pour l'épreuve de philosophie ou encore celle des sciences naturelles. Le ministère en profite pour mettre en garde contre ces tentatives de déstabilisation et de déconcentration des candidats. L'ONU prolonge les consultations de Genève sur la crise syrienne, une prolongation d'un mois. Staffan de Mistura continuera donc ses discussions avec les protagonistes de ce conflit. Des discussions que le médiateur de l'ONU pour la Syrie mène, vous le savez, depuis un peu plus d'un mois. Crise burundaise, le président vient de publier un nouveau calendrier électoral. Les législatives et communales sont reportées au 29 juin, la présidentielle au 15 juillet. Pierre Nkurunziza est confronté à un mois et demi de contestation contre sa candidature à un nouveau mandat à la tête du pays. Le président russe tente de rompre son isolement diplomatique. Il effectue une brève visite en Italie et au Vatican aujourd'hui. Au programme, une rencontre avec le pape François et une autre avec le chef du gouvernement italien Matteo Renzi. Le libre-échange dans la moitié orientale de l'Afrique, un projet qui se concrétise. Les chefs d'État de 26 pays d'Afrique de l'Est et du Sud sont réunis en Égypte et ils ont signé un traité de libre-échange aujourd'hui. Objectif, faciliter la circulation des biens et des marchandises dans la partie orientale du continent. La FIFA suspend les candidatures pour le Mondial 2026. L'annonce intervient en plein scandale de corruption qui plane sur cette organisation mondiale. Et d'ajouter, les autres questions seront discutées lors d'un prochain comité exécutif. Le choix du pays hôte du Mondial 2026 était programmé pour l'année prochaine. L'annonce devait être faite à Kuala Lumpur lors d'un congrès de la FIFA. 17h passées de presque 3 minutes sur chaîne Inter. L'info continue. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne fin d'après-midi. مبروك تفازي جديدة جاري الله يبارك فيك دابا هاد التلفازة هادي ما فيهاش نظام بث رقمي والسينيال القديم ما غيبقاش خدام وغادي يجي بلاصتو سينيال رقمي جديد وهاد المسألة كتهم جميع الناس اللي التلفازات ديالهم ما مجهزينش بالنظام البث الرقمي الأرضي TNT وفوقاش هادشي ابتداء من 17 يوليو واجي شوف لي التلفازة ديالي عاف مرحبا داخل وخارج بيوتنا كل شيء تغير وجا وقت رقمي التلفزيونات الوطنيه حتى هي تطورات وغننتقلوا للبث الرقمي ابتداء من 17 يونيو 2015 وهذا الانتقال هو ضروره تكنولوجيا وخاصكم تعرفوا ان هذا البث الرقمي هيقدم للمشاهد نشرات برامج مباريات رياضيه وافلام بصوره ناصحه وصوت بجوده عاليه والناس اللي ما باغيش يبدلوا التلفازات ديالهم شنو غادي يديروا غير خصهم يجهزوا بريسبتور مخصص لهذا النظام هذا الريسبتور خاصو يكون برونشي مع التلفازه ومع لونتين ديال السطح بكابل متحد المحور لونتين خاصو يكون فيه على الاقل 1.20 متر ويكون موجه مزيان لمحطه البث والكابل ما يكونش مقطع وهي تحجم تبدلات غير الجوده هي اللي تحسن هذا الريسبتور موجود في الاسواق وفي المحلات التجاريه المختصه وبثمن جد مناسب للمزيد من المعلومات اتصلوا بالرقم الاخضر 0800 000 118 او زوروا الموقع www.mincom.gov.ma وزاره الاتصال مرحبا بالبث الرقمي الارضي TNT de la bonne pop country pour poursuivre bien sûr. Et le Maroc, c'est la dernière ligne droite. Et bien sûr, les fins connaisseurs ont sûrement reconnu le duo Lady Antebellum que vous écoutez sur chaîne Inter. Il est 17h passé de 8 minutes. Et bien sûr, je rappelle pour ceux qui viennent de se joindre à nous qu'il y a bien sûr Sekine Bouachedine avec la chronique de l'environnement tout à l'heure à 17h45. Sans oublier Amina et le journal du design à 17h30 exactement. Et je rappelle aussi que je suis toujours en compagnie de Jeanne Larichie, la coach scolaire et passionnée d'éducation. Et on va bien sûr découvrir ensemble les impressions récoltées par Leïla et par Houria. Donc ce matin, juste avant les épreuves du baccalauréat, et bien sûr, on aura droit aux impressions des candidats au baccalauréat, les parents. Et bien sûr, on va parler d'avenir cet après-midi puisqu'il y a Jeanne Larichie avec nous pour nous donner quelques petits conseils. Mais tout de suite, sans perdre de temps, c'est l'heure de retrouver Fairouz Ben Taleb en vous rappelant bien sûr qu'il y a l'appel à la prière du Asr à 17h12. Tout de suite, roulez cool. Bonjour à tous. Dans la chronique de la prévention routière d'aujourd'hui, nous allons vous parler du nettoyage intérieur de la voiture. Le nettoyage de la voiture est important, non seulement pour votre confort, mais aussi pour le maintien de l'éclat des matériaux en présence et la lutte contre les mauvaises odeurs. Pour ce qui est des moquettes et tapis de sol, les moquettes doivent être secouées et il faut passer l'aspirateur régulièrement, ce qui est absolument indispensable. Lorsqu'ils sont usés, l'humidité peut se transmettre au plancher et provoquer la corrosion de celui-ci. Il est donc préférable de les changer ou de les sécher régulièrement. Pour ce qui est des sièges en cuir ou en tissu, l'entretien se fait grâce à des produits vendus dans le commerce à cet effet. Les synthétiques se nettoient avec aspirateur, chez vous ou dans les stations essence, au centre de nettoyage auto. Pour enlever les mauvaises odeurs, vous pouvez utiliser un aspirateur à injection-extraction qui envoie de l'eau dans les sièges. Pour ce qui est des surfaces plastifiées, dans le commerce, vous trouverez énormément de produits qui nettoient vos plastiques. Vous avez aussi la possibilité de choisir la solution moins onéreuse et tout aussi efficace qui utilise une éponge et un produit détergent. Vous pouvez tout de même revigorer la teinte de votre plastique par des produits rénovants qui sont antistatiques. Just can't sleep tonight, knowing that things ain't right. It's in the papers, it's on the TV, it's everywhere that I go. Children are crying, soldiers are dying, some people don't have a home. But I know there's sunshine behind that rain. I know there's good times behind that pain, hey. Can you tell me how I can make a change? I close my eyes and I can see a better day. I close my eyes and pray. I close my eyes and I can see a better day. أيها المؤمنون والمؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة العصر حسب توقيت الرباط، السلا وما جورهما. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita. E le musiche, la deserta, e il Madonna e la clé du ciel, qui m'ouvre enfin les portes du soleil, j'existe pas. Vivo per lei la musica. Per lei è unica. E lei tua e mia. Io vivo per lei. Io vivo per lei. 15h-18h, c'est le Maroc avec Hicham. 17h passées de 19 minutes quasiment et nous sommes encore ensemble jusqu'à 18h et le Maroc, re-bienvenue à vous et re-bienvenue à Jian Lareichi. Ça va impeccable Jian? Oui, ça va très très bien, merci de votre compagnie. Jian et Lesaï, elle fait partie de chaîne Inter, voilà, donc en tout cas Marhaba Bik Maana Jian. Et je vous rappelle donc Jian Lareichi, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, en tout cas on a passé un agréable moment avec Sofia Benzakour et qu'on salue. Voilà, on lui fait un petit coucou, je suis sûr qu'elle est avec son papa en voiture parce qu'elle doit revenir, elle doit rentrer sur Fès. En tout cas, soyez prudents les Benzakour, soyez prudents tous les auditeurs de chaîne Inter, soyez super prudents parce que je sais que c'est la fin de la journée, on a envie de rentrer à la maison, on a hâte d'entrer à la maison, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Nous on vous tient compagnie bien sûr avec de la bonne matière, de bonnes rubriques, de la bonne zizik et surtout de la bonne pêche avec Jian Lareichi. Toujours à la pêche, on rappelle que Jian Lareichi, elle est coach scolaire, elle est passionnée d'éducation, elle est fondatrice du site educationcm.com et rappelons qu'elle est surtout la seule, l'unique, la vraie, l'original demi-finaliste marocaine à la compétition JISTEC qui aura lieu durant le prochain GES, donc le GES qui s'est déroulé à Marrakech donc la dernière fois, et la prochaine édition c'est au Kenya au mois de juillet inchallah, et il va falloir voter pour toi tout simplement. On rappelle pour ceux qui l'ignorent que il y a quand même un projet à caractère éducatif avec lequel tu participes à cette compétition, et qu'on ne participe pas à cette compétition comme ça. Donc tu es déjà passé par d'autres phases donc avant. Totalement, oui. En fait, la compétition, enfin, ça s'appelle le JISTEC et puis c'est directement piloté par le US State Department. Voilà, exactement, oui, avec l'accent british en plus. Et puis donc on a été choisi, on est actuellement 78 du monde entier. 78 sur 800. Oui, exactement. Alors oui, on est 78 sur qui vont être pris sur 800, et ces 78 là, ces 78 personnes, bah finalement ils vont être plus la moitié va vraiment voilà, partir. Sauter tout simplement. C'est le but des votes, voilà. Donc il y a voilà, donc ça des éliminations sauter. Et voilà. Donc ça va sauter pour revenir vers uniquement 30 qui uniquement vont devenir finalistes. Alors, là, tout dépend de vous. Voilà, donc tout dépend de vous, là, nos chers auditeurs. Voilà, parce qu'il faut quand même que tu atteignes, si j'ai bien compris, 5000 votes. Exactement. Voilà, donc il faut qu'elle atteigne 5000 votes. Alors, que faut-il faire? Comment peut-on voter pour Jian Lareichi? Qu'est-ce qu'il faut tapoter sur le clavier? Exactement. Alors, maintenant, on a 3900 votes. Il ne reste plus que jusqu'à demain, 17h tapante, pour voter et atteindre les 5000 votes. Voilà. Donc, et toi, tu es en pleine campagne, j'imagine. Moi, je suis en pleine campagne parce que j'adore ce que je fais et je pense que ça va être très utile à tous les Marocains, ce que je fais. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vis aujourd'hui. Et voilà, donc elle vit pour ça. Donc il faut rappeler quand même que Jian Lareichi a un parcours super riche, hein, parce qu'elle en a fait des choses, hein, Jian. Donc avant de faire le focus sur ta passion, hein, donc l'éducation, l'orientation, le coaching. Hein, donc tu as eu quand même donc, des diplômes, tu as déjà travaillé, mais finalement, c'est ça ouais, qui... c'est finalement... Ton bah, c'est, kiff, comme, bah, ton... c'est comme c'est pour Sofia, hein, c'est pour Sofia Benzakour qu'on a reçu tout ouais, à l'heure. Ouais, ouais. Ben voilà, c'est l'architecture, et puis finalement, c'est également la mode. Et ben voilà, donc voilà, se fait plaisir en conseillant les autres, tout simplement. Et justement, tu tombes bien, ma chère Jiana, puisque on parle de baccalauréat. Totalement. Attends, juste je rappelle aux le vote. Donc pour pouvoir voter. Répère pas le nord. Non, je reste focus. Attention, il faut qu'on vote. On a un objectif à atteindre. On a 5000 votes à atteindre. Donc faut qu'on y aille. Et puis on a jusqu'à demain. Voilà. Donc, il reste encore 36 ouais, heures. Ouais, pas beaucoup. Et en gros, donc pour voter, enfin vous allez trouver le lien pour le vote directement sur notre page Facebook Éducation CM que je vous invite à liker, et puis sur notre site internet www.educationcm.com. Donc vous trouverez le lien direct, et puis ça vous emmènera direct sur la page de vote. Faut créer un compte et puis il faut voter. Ben voilà, tout simplement, allez-y et partagez surtout, hein, pour ceux qui ont quand même des comptes Facebook super actifs, hein, parce qu'il y en a pas mal qui sont actifs, partagez, et voilà, donc il y a le côté marocain, le côté patriote qui revient, même si on ne connaît pas personnellement Jel El Haïchi, mais elle participe à une compétition internationale, elle est marocaine, avec quand même un projet, on peut dire, pour la bonne cause, hein, parce que c'est à caractère éducatif. C'est un projet sur l'orientation dans toute l'Afrique. Et en Afrique, donc, voilà. Donc, c'est quelque chose de très intéressant pour tout le monde. On ne peut que se sentir concerné, donc on ne peut que voter et encourager Jel El Haïchi. On revient donc au baccalauréat donc de cette année, hein, puisque la dernière fois tu étais avec nous, on en a profité, Jel El Haïchi, on a profité de tes conseils que tu as donné aux candidats au baccalauréat, que tu as donné aussi aux parents, puisqu'ils sont super concernés, les parents, qui sont des fois plus stressés que les futurs bacheliers. Mais en même temps, j'en profite pour rappeler à ceux qui étaient sur une autre planète, hein, donc comme ça, donc c'est gratuit, ça mange pas de pain. On rappelle quand même que les examens ont démarré mardi, c'est-à-dire le 9, ça se poursuit jusqu'à demain 11 juin, et les sessions de rattrapage c'est les 7, 8 et 9 juillet prochains. Je rappelle aussi par la même occasion que les résultats des examens de baccalauréat seront annoncés le 24 juin et ceux de la session de rattrapage ça sera le 18 juillet. Hier, bien sûr, ça a déjà démarré, on a eu les impressions des lycéens, des parents, et bien sûr, on a eu au droit aussi à quelques petits coups de gueule, on a eu les impressions des surveillants et des professeurs, et cet après-midi aussi, donc on y a droit, puisque Leïla Azizi et Houria, bien sûr, sont allés, bien sûr, le matin déjà, récolter les impressions à chaud des étudiants qui étaient, bien sûr, prêts pour passer les épreuves de mathématiques. Ce matin, on écoute leurs impressions. انا سيونس فيزيك دوزنا صباح المات كان المات في المستوى وما صعيبش بزاف ولكن مقارنه مع الاعوام الاخرى تحت شويه قاصح بالنسبه للفيزيك كذلك هو صعيب ولكن خدمنا مزيان الحمد لله الفيزيك البارح قهرونا فيه واليوم المات صعيب بزاف ما فهمتش حنا سيونس فيزيك عم لامسك السيونس مات كيديرين ولكن راه بزاف حقا تصدمنا برونش فيزيك كيمي وكانوا الامتحانات صعاب زعما ما كانوش كاع بحالهم في الوطنيات اللي قبل عطونا مثلا شي حاجه جداد الانجلي كان بحال الوطنيات اللي قدام فيزيك مات بدلو بزاف ما عرفتش ما كتشوف كاع لافينيغ ديالك ضاع باسكو فهمتي كتكون معول على حاجه وكتدخل كدوز حاجه اكتيف جبتي شي حاجه اخرى اكثريه في الفيزيك عطاونا واحد الكوسام بحال شنو سميتو بحال اللي كيتحط في الكونكور ديال الميدسين نفسه زعما الامتحان كاينين في المستوى الامتحان كان صعيب شويه عطاونا امتحان مغاير بزاف على داكشي اللي كان في الوطنيات اللي قبل وماشي غير في الرياضيات حتى في الفيزيك الانجلي اللي كان جاتني عاديه زعما في المستوى كان داكشي صعيب في المستوى وتعداو علينا الصباح هذا عطاونا المات بحال داكشي ديال السيونس مات وداكشي وحنايا اش الحياه ديالي كامله مشات كاع الصباح هذا اش بالك فاش جا العريش انت اختي اللي كتعرفي في هذا الشيء واش انا غلط ولا لا وبلي ما نقول بنادم فريمون ستريسي بزاف دونك انا راه مستريسي والله ما كتبانش وين راني مستريسي لا حيت كاين بنادم اللي فريمون تيكون ستريسي بزاف اي ابري فينالمون تيصدق تيجيب اون تري بون مويان من بعد وقلتي انا لا ديرنيير فوا ان فيت دونك لو بلاك اوت دونك يا الترو نوار دي فوا دي فوا يا فريمون الترو نوار و دي فوا ميم هذا لا بيرسون تسحب لها راه الا ما تري مال باسي فينالمون ابري سو تروف ايك اون بون مويان وكاين اللي ما تيبغيش يقوس على راسو شي بلا اكزاكتومون داكشي كان صعيب وما درت والو اللي كيمشي عند امه كيقول لا داكشي كون يعني الواليد دار داكشي كان مزيان على بورتي على بورتي اي با ايكوت نو سويت بون كوراج ا تول موند دونك لي امبريسيون ا ديجي ما كنسمعوها سيتي صعيب سيتي با صعيب دونك اون ا توجور سيت امبريسيون مي تو مي ديراس اي تو كونفيرم تول موند اي باسي بار لا ميم toi tout le monde est passé par là donc à un certain moment c'est mieux parfois de dire oui c'était saïb et tout ça pour après s'attendre à une bonne nouvelle voilà. Parce que sinon les parents après si on leur dit oui. J'ai bien passé ouais, je suis pas coach j'ai bien passé mais je vous conseille pas de dire là ça s'est bien passé parce qu'au cas où ça se passe pas bien voilà on l'a dit à toute la famille avant même que le résultat ne soit annoncé donc moi je vous conseille même en n'étant pas coach et j'espère que Jael va confirmer je pense que c'est préférable de rester safe. Valide que ce soit certifié s'il te plaît parce que hein, donc ça il faut pas confondre vitesse et précipitation comme on dit on va tout de suite écouter Jael les impressions de ceux qui sont aussi concernés et tu devines de qui je parle. Les parents. Exact, Luz. عندي بنيته كدير سيونس مات البارح في الصباح مزيرين معاهم بزاف العام كلهم كيضربوا المجهود ضربوا لهم في الزيرو في العشيه الحمد لله الله يقول لك كانت مزيانه وداو الصباح ما باقي مخلو عندنا ما باقي للداخل وحنا برا خرجوا صحاب بي سي قالوا راه صعيب وما سيونس ما طرا باقي باقي ما خرجوش بعد كان شويه فيزيك شويه يعني تقريبا في واحد الصعوبات ولكن خرج اللي خدمتي خرج راسو شويه واليوم راه مازال تيتزوجوا الرياضيات ما عرفنا شنو انا امتحاني عطوه هذا العام عطوهم فوق مستوى يعني ماشي بحال السنوات الفارطه وانهم البارح راه زعما اش نقول لك خرجوا على دوك التلاميذ الوليدات البارح خرجوا في حاله هيستيريه يعني الا كنتي وقفتي وشتيهم راه واش بغاو يضيعوا لهم داك الحلم ديال يهرسوهم الحلم ديالهم ان واحد كيخدم عام كامل ومجهود وبليكو وبهادي ويجي تصدم عطوهم 4 دوبل في والوقت ما كافيش وصعيب ان شاء الله بحول الله ديال الاقسام التحضيريه الحمد لله واحد فقط بزاف غدير شحال من حاجه تفعل لي ميتسين كتف لي مسيت فعلت كلشي المدارس كلهم ما غدير لك راس بريبا هي وبابا وانا معاها كنشجعوها وكنايدوها وكنطلبوا الله التوفيق والنجاح للدراري كاملين ايوا كنتمنوا بيان سور النجاح لكلشي دونك الدراري والدريات وكاع اللي عنده الباك واللي عنده شي اكزامان حتى اللي غيدوز البيرمي كنتمنوا ليه حتى هو التوفيق نو مي سي فري باسكو كي غيدوز بيرمي انا كنعرف شي واحد يدوز بيرمي مي سي فري جيهان اون سون كو لي بارون سون بوكو بلو توندو C'est normal, c'est eux qui ont accompagné leur enfant dans cette phase-là. Donc, je tiens juste à les encourager et puis surtout, enfin, voilà. Attends, on va regarder les doubles feuilles. C'est pas évident pour les parents. C'est vrai que c'est pas. Disons que ce qui est très bien dans cette situation-là, il faut le rappeler, c'est que les enfants se confient à leurs parents. Généralement, les enfants ne se confient pas à leurs parents. Et ça, c'est un moment de partage entre vous. Parents et enfants. Et c'est vraiment à valoriser. C'est la raison pour laquelle les parents sont très affectés. C'est parce que pour la première fois ou l'une des rares fois. Complicité. Ben oui, il y a la complicité. Donc voilà. Bon courage, les parents. Voilà. Profitez de ces moments, exactement, de ces rares moments qui peut-être ne se reproduiront pas. Et j'espère qu'ils ne se reproduiront pas en concernant le bac. Et que ce sera uniquement cette fois. Et que vous n'aurez pas à revivre ce stress encore une fois. Mais c'est vrai, les parents, donc, eux aussi, donc, sont investis, comme tu l'as dit, donc, corps et âme. Donc, Moi, ce que je voudrais juste dire aux parents, c'est que juste pour capitaliser sur ça, ça s'appelle le transfert de compétences. Regardez un tout petit peu qu'est-ce que vous êtes en train de faire de particulier avec vos enfants en ce moment. Qu'est-ce que vous avez comme stratégie de complicité avec vos enfants et puis repartagez-le dans d'autres moments que le bac. Ça, c'est le bac, ce n'est qu'une étape à passer. Restez tranquilles, tout va bien aller, voilà. Et après le bac, c'est là que ça démarre, croyez-moi. Exactement. Vous allez carrément demander à revenir au baccalauréat tellement que ça juste va pour être avoir ces moments de complicité. Exactement, oui. Exact. Tu te dis, waouh, t'as dit que le machakil de l'époque, ça paraît hein, rien du tout. En tout cas, je te remercie, Jeanne Larichi. On va, bien sûr, hein, puisqu'on a écouté hein, donc les parents aussi, hein, donc qui se plaignaient. C'est normal qu'ils se plaignent. Donc 4 double feuilles, attends, le bleu, Timski, non ouais, bah, elle compte ouais. En double feuille, pas en compte en En tout cas, croyez-moi qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il n'y a que le travail qui finit par payer et quand on a préparé tout au long de l'année et sur les deux années... C'est ce qu'un monsieur l'a dit hein, tout exactement, à l'heure. Exactement. Et quand on a préparé tout au long des deux années de baccalauréat, croyez-moi, on n'a pas à stresser, on n'a rien à se reprocher. Il suffit de simplement affronter la feuille et éviter le trou noir. C'est ça. Quand tu as le trou noir... Bah, quand tu as le trou noir, fermez les yeux. Il y a une étude qui a été faite récemment sur ça. Enfin, comme quoi, dès qu'on ferme les yeux, à ce moment-là, on arrive à réactiver certaines parties du cerveau. Et voilà, fermez les yeux et puis essayez de respirer déjà, premièrement. Voilà. Respirer. Voilà, aussi, totalement. Mais moi, je tiens juste à rappeler quelque chose de très, très important. C'est que beaucoup de points sont perdus parce que la personne ne lit pas l'énoncé. Et ça, il faut vraiment le rappeler. C'est que la plupart du temps, la personne, elle est dans l'impulsivité, c'est ce qu'on appelle l'impulsif. Voilà, il se dit, c'est bon, je sais, je vais écrire. Voilà. Take it easy. C'est vrai, donc prends le temps de lire l'énoncé, de ruminer ce que tu as lu. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Voilà, vraiment pas. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure d'ailleurs. S'il vous plaît, juste. Non, mais c'est ça parce que. Il faut vraiment surtout aussi prendre le temps déjà d'écouter juste son intuition. Juste après, dès que je lis mon texte, dès que je lis l'énoncé, je prends juste une une feuille de brouillon et puis je note toutes les idées qui me viennent en tête. Mais je ne le note pas directement sur la feuille d'examen. Et après, je prends le temps de lire l'énoncé parce que la plupart du temps, les gens ils répondent à la première partie de la question, mais pas à toute la question. Voilà. Ils écrivent aussi une petite phrase. Pour les réponses sont très, très courtes. Sujet, verbe, complément. Alors que non, il faut étayer, il faut expliquer, développer. Il faut développer. Voilà. Sinon, on perd des notes. C'est un détail très important, ce que tu viens de dire. Et merci pour le conseil. Donc, il faut, comme a dit Jean Lalchi, il faut prendre son temps avant de répondre et ne pas confondre vitesse et précipitation. Nous, on va tout de suite retrouver Amina, hein, donc, qui patiente depuis 2 minutes. Et on va la retrouver pour le journal du design. Elle nous parle du noyer, donc un des bois les plus prisés par les designers pour des créations de grande valeur. Pourquoi ce bois est-il si sollicité? Quelques éléments de réponse tout de suite dans le journal du design. Bonjour, dans le journal design d'aujourd'hui, nous parlons de l'arbre noyer qui attire beaucoup de designers. Noble mais très cher, le bois du noyer attire les designers marocains pour ses couleurs variées et changeantes avec le temps et au contact de la lumière. Ce bois est très présent dans la petite ébénisterie. On l'aura bien compris, des arbres comme le noyer possèdent une structure très menue, ce qui ne lui permet pas d'être utilisé dans la menuiserie de grands meubles et de grandes surfaces. Selon les spécialistes designers du bois, le noyer semble né pour servir les petits objets ou à la limite dans des mobiliers très stylés. Le noyer existe mais pas en grande masse au Maroc. C'est pour cette raison que les commerçants de bois sont obligés de l'importer de l'Amérique du Nord où il existe en grande quantité et cela ne fait qu'augmenter davantage son coût. Et son prix le classe dans les catégories de bois très nobles et très chers aussi. C'est presque pour cette raison majeure qu'il n'est guère utilisé dans des planchers et parquets de maisons et appartements. Le noyer est plutôt travaillé dans l'ébénisterie et pour créer des meubles de style pensés par des designers. Et pourtant, certains architectes se permettent d'en faire des usages de luxe dans les projets à gros budget. C'est le cas par exemple des mobiliers de grands hôtels et aussi des établissements très luxueux. La cherté du prix semble être le principal handicap pour l'utiliser. Le noyer peut être placé sur un bois moins noble. Le plaquage permet d'étaler le noyau sur de grandes surfaces. L'arbre du noyer attire les designers par sa faible densité, agréablement veinée et colorée, de couleur rouge presque, qui attire et s'adapte à tout. Il est également recherché en sculpture pour le contraste entre son gris clair et son cœur brun foncé. Et les racines du noyer sont utilisées sous le nom de ronces de noyer. Comme quoi, il y a toujours des solutions à tout, mais il reste que le noyer est un bois très noble et très solide, à l'instar de certains types comme le tuya. Dans l'ébénisterie, le noyer se prête à merveille au jeu de la classe et de la noblesse, parce qu'il le vaut bien. Hello Maroc, le rendez-vous incontournable sur chaîne Inter pour découvrir un Maroc en mouvement. Ils sont jeunes, ils touchent à tous les domaines, de la politique à la culture, en passant par le sport, l'économie, les sciences et bien d'autres domaines. Hello Maroc, le miroir du Maroc du 21e siècle, du lundi au vendredi, entre 15h et 18h sur chaîne Inter. Allez, bien sûr, on le confirme ensemble jusqu'à 18h. Et le Maroc, ça se poursuit toujours en compagnie de Jean Lalechi. Et je rappelle aussi que dans 10 minutes, on retrouve Sakina Bouachteline pour la chronique de l'environnement. Elle nous parle de biodiversité, hein, donc contraction de biologique et de diversité. Elle va nous parler un petit peu du concept un peu plus en détail. Il y a 17h45. Jean Lalechi, ça va impeccable. Oh, ça va très très je bien. Je rappelle ta compagnie, ça va très très ben, bien. Écoute, hein, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous au studio. Et je rappelle que tu es là aussi pour parler de toi, parce qu'il faut l'encourager, Jean Lalechi. Il faut voter pour elle, Jeanne Lalechi, parce qu'il faut rappeler que Jeanne Lalechi participe à une compétition internationale, le GIST Tech, qui aura lieu au prochain GES, donc au Kenya, au mois de juillet. Et elle est demi-finaliste marocaine. Elle participe avec un projet à caractère éducatif. Et bien sûr, elle a besoin d'atteindre 5000 votes. Elle en est presque à 4000. Il lui manque encore 1000 votes. Et elle a encore 36 heures devant elle, Jeanne. Donc, c'est demain que ça s'arrête. Ah, c'est demain que ça s'arrête. Par contre, qui vote. Non, il reste encore 24 heures. 23h30. Voilà, donc 23h30 exactement. Exactement, 23h30. 23h30. Ouais. Donc c'est demain à 18h que ça s'arrête. C'est demain que c'est 18h que ça s'arrête. 17h plutôt. Okay, 17h. Moi je t'ai donné jusqu'à minuit, Zem. Non, c'est midi, heure de New York. Ok, New York, man. New York City, ok. Donc c'est demain, 17h, on arrête les votes. Et là, je rappelle qu'il faut quand même aller sur ta page Facebook. Oui, il faut aller sur ma page Facebook, Éducation CM, et puis la liker. Vous allez trouver le lien du vote, le lien direct, et puis après, vous créez un compte et puis votez. Tout simplement, faites-moi plaisir, votez pour elle parce qu'elle le mérite et surtout parce qu'on est marocain, elle est la première marocaine, la seule à participer à cette compétition internationale et c'est pour la bonne cause hein, parce que tu as énormément d'idées, de propositions pour améliorer l'éducation et pas qu'au Maroc, on parle de l'Afrique là, hein, donc tout simplement. Totalement, oui, c'est un portail, internet qui a pour objectif d'aider à l'orientation dans toute l'Afrique. Surtout que nos jeunes, ils ont vraiment besoin de ça, avoir des informations de manière détaillée et simple, avoir un conseil, avoir une formation, tout ce dont on a besoin pour mieux choisir. En tout cas, question orientation et information et encadrement des jeunes par rapport à leur avenir, on va y revenir dans quelques instants. Mais puisque tu es là, et nous, on donne bien sûr l'expression aux jeunes donc, qui ont quand même un petit coup de gueule à pousser, et c'est l'heure de le découvrir. Genre بغيتهم يهبطوا لي سي حيت ما يمكنش هادشي كامل حطونا لي سي خصهم يهبطوا حيت ما يمكنش يحطوا لنا لينا 17 ولا 16 وحنايا امبوسيبل تجيب داك الامتحان فيزيك 16. Voilà, donc ça c'était donc le coup de gueule par rapport à l'examen d'IEL physique hein, tout simplement qui apparemment l'ont trouvé trop dur. Je sais pas s'il était dur ou ils n'ont pas assez préparé. Ah, je sais pas, j'étais pas à leur place. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est du 50-50, on va dire. En tout cas, ça, c'était le coup de gueule. Côté avenir, comme tu l'as annoncé, Jean Lerichi, côté orientation, information par rapport à ces jeunes, on leur a posé la question, est-ce qu'ils ont une idée sur leur avenir après le baccalauréat? Je te laisse découvrir les impressions pour avoir justement ton commentaire de professionnel. Inch'Allah, l'ingénierie, voilà. C'est le truc où je me sens le plus à l'aise. Et... enfin, j'espère que je me sentirai à l'aise. بالنسبه للمباكس ان شاء الله ندخل للميديسين ونكون طبيب. بالنسبه للتخصص مازال ما تنفكرش فيه دابا. Eh ben déjà qui sait qu'il veut être médecin, ça c'est très important déjà la spécialité. Tu auras le temps de te faire ton idée mon ami et moi j'aime bien donc des jeunes qui sont fixés. J'ai adoré la réponse d'une jeune fille j'adore ça. Et comme tu l'as dit donc ça prouve hein, donc qu'on est sûr qu'on a bien préparé et qu'on ne se plaint pas de la matière ou de l'épreuve de physique qui était trop dure. Il y en a qui sont sûrs d'eux parce qu'ils ont bien travaillé tout simplement. Je pense que c'est important d'être positif pendant qu'on prépare les examens. À la rigueur, soyez négatif après, ou les gens doutent. Pour éviter le traus, voilà, ah, si oui, vous voulez. Oui, oui. C'est attirer à vous des choses positives pour que ça se réalise dans la réalité. Voilà, tout simplement. Et toi, je sais que tu es en rapport avec des jeunes, donc tu es sollicité, on te pose des questions. Est-ce que tu penses que ces jeunes sont assez bien ou mal informé par rapport aux opportunités, par rapport aux débouchés après le bac et par rapport à leur orientation justement. Moi ce que je pense c'est que les jeunes aujourd'hui ne sont pas suffisamment informés sur qui ils sont. Parce que c'est à partir du moment où ils savent qui ils sont, quel est leur trait de caractère dominant, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Est-ce qu'ils osent aller vers ce qu'ils aiment faire? Est-ce qu'ils osent affronter également ce que les parents peuvent leur imposer et puis leur dire non, mais moi c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux expérimenter? C'est d'abord la connaissance de soi dont il manque pour pouvoir prendre déjà après le pas pour s'informer sur qu'est-ce qui existe comme opportunité. Donc. Est-ce que c'est le rôle des parents ou des conseillers ou, en éducation de faire découvrir à ces jeunes qui ils sont réellement? Je pense que c'est pas forcément que les parents, parce que les parents, rappelons-le, ici au Maroc, on est un tout petit peu, disons que, enfin, on va on reconnaît plutôt les torts de nos enfants, ou on passe un tout petit peu son temps en train de le critiquer, ou à parler mal de lui un tout petit peu. Parfois, on les valorise, mais c'est pas suffisamment dans son fort. Quoique, j'ai l'impression que c'est en train de changer avec une nouvelle génération de parents qui montent avec une nouvelle mentalité. Donc, on ne peut être qu'optimiste. Bah, écoutez, oui, on peut totalement être optimiste par rapport à ça, avec un vrai travail de la part des parents de pouvoir un peu plus valoriser leurs enfants, leurs qualités devant eux. Et puis surtout aussi les pousser à aller vers qu'est-ce qui existe en termes d'opportunités. Parce que les parents sont énormément perdus par rapport à ça. Ils savent ce qui existait à leur époque. Mais qu'est-ce qui va marcher maintenant? Donc finalement, on finit par conseiller vers ce qui est safe. Les valeurs sûres. Voilà, les valeurs sûres. Les métiers classiques. Exactement ce qui a été alors dit. Alors que les choses évoluent, le monde évolue, de nouveaux métiers donc, sont nés, de nouveaux profils demandés. Justement, dissons ce qui a été dit précédemment. Il y a une personne qui a parlé de l'ingénierie. Mais c'est quoi l'ingénierie pour vous, mademoiselle? Est-ce que c'est l'ingénierie informatique ou est-ce que c'est l'ingénierie mécanique ou est-ce que c'est l'ingénierie je sais pas quoi? Bon, moi, ses parents, ils veulent qu'ils soient ingénieurs. Oui, mais c'est bien d'avoir un titre, mais un titre en quoi? Donc c'est ça la vraie question aussi. Donc c'est le genre de lacune que les jeunes ont. Voilà, donc, on fait les choses un tout petit peu en termes de nom, mais pas forcément en termes de contenu, on ne sait pas. Mais ce n'est pas forcément à cause d'eux, hein. C'est parce qu'ils manquent d'informations, ils n'ont pas accès à l'info. On a parlé des parents, et donc là, qu'est-ce qu'on peut dire sur le rôle des conseillers en orientation qu'on retrouve dans tous les établissements scolaires? Disons que le rôle des conseillers d'orientation est d'abord d'informer sur ce qui existe en termes de formation, en termes de métier, et malheureusement ça se fait pas trop non plus, mais en termes de personnalité on a plutôt tendance à vouloir conseiller les gens en termes de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est safe, mais pas forcément d'aller vers qui c'est que je suis et à partir de ça comment est-ce que je fais pour mieux choisir. Du sur-mesure tout simplement. Non, il n'y a pas de sur-mesure, non, voilà. Du tout. Et ça finalement on finit par avoir des réorientations chaque année. Donc les parents, ils payent pour quelque chose qui finalement, après, va devoir changer. Et on le répète, parce que c'est très important, que ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde que de changer d'orientation. Totalement. Encore faut-il choisir la bonne. Encore faut-il choisir celle qui vous donne confiance en vous. Et dans laquelle on est épanoui. Moi, j'enseigne dans des écoles. Et je me retrouve réellement avec des étudiants qui ont changé une première fois et qui continuent dans la deuxième voie juste pour faire plaisir à leurs parents. Juste pour pas que les parents soient déçus. Je veux juste que mes parents ils soient fiers de moi et je continue dans ça et j'aime pas. Erreur. Est-ce que ça t'arrive de discuter avec eux? Totalement, oui. Je leur dis d'aller vraiment vers ce qu'ils aiment. Parce que pour beaucoup, je leur dis voilà ce qui te plaît. Et personne ne me dit oui, ça j'adore. J'aurais bien aimé, mais. Et finalement, la personne, dès qu'elle commence à oser, ça y est, le sourire est là, ça y est, la bonne humeur est là, ça y est, tout est là. Mais une personne épanouie dans son travail ne peut qu'apporter énormément de choses et qu'elle soit une valeur ajoutée pour cette activité, ce travail. Moi, je tiens juste à rappeler que l'histoire des seuils, il n'y a pas que le Maroc, hein, messieurs, mesdames. Il y a des seuils au Maroc, mais il y a également d'autres opportunités partout ailleurs. Il faut juste se renseigner. Oui, il y a ces histoires de visa, oui, il y a les histoires de je sais pas quoi. On peut toujours s'inventer des excuses là où il y en a. Par contre, il y a plein d'opportunités qui existent avec des bourses qui peuvent être proposées internationalement, qui ne sont pas forcément... par lesquels il ne faut pas forcément passer par le ministère. Voilà. On peut décrocher à titre personnel avec son dossier scolaire. Et c'est exactement moi ce que je veux mettre en place à travers le site internet que je propose. C'est réellement démocratiser l'accès à l'information par rapport aux bourses, par rapport aux opportunités et ouvrir un tout petit peu les horizons de chacun d'entre nous sur je peux être plus que ce que moi je veux être. Voilà. En tout cas, je te remercie, Jeanne. La Réchi, je rappelle que ton site, c'est educationcm.com, donc un site super riche. Et on va revenir à elle pour vous rappeler qu'il va falloir voter pour elle et l'encourager à travers sa page Facebook. Il est 17h passé de 46 minutes et c'est l'heure de retrouver Sakina Bouachrine, notre Miss Green, notre spécialiste en écologie. Et elle va nous parler de biodiversité, qui est une contraction de biologique et diversité, qui serait donc la diversité biologique, mais encore. Plus de détails tout de suite dans la chronique de l'environnement. Bonsoir à vous tous, chers auditeurs de chaîne Inter. Le bio est l'invité incontournable de la chronique environnement. Et c'est justifié, car tout ce qui est bio est forcément respectueux de l'environnement. Et dans la nature, la biodiversité nous invite à contempler toutes ces créatures sur Terre. Au fait, le concept de biodiversité est relativement récent et méconnu du grand public. C'est en 1980 seulement que ce concept de diversité biologique est apparu dans les écrits du biologiste américain Thomas Levaugeois. Et le terme biodiversité lui-même a été inventé en 1985. Mais si l'usage de ce mot est, comme souligné, relativement récent, la biodiversité, elle, est très ancienne, puisqu'elle est le résultat de la longue histoire de la Terre et de l'évolution du monde vivant qui s'étale sur plusieurs milliards d'années. Et pour bien comprendre la signification exacte, la biodiversité est le tissu vivant de notre Terre. Plus précisément, la biodiversité recouvre l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie, plantes, animaux, champignons, bactéries, virus, ainsi que toutes les relations et interactions qui existent d'une part entre les organismes vivants eux-mêmes et d'autre part entre ces organismes et leur milieu de vie. Nous les humains, nous faisons partie des fils de ce tissu, un tissu malheureusement grandement endommagé par toutes les formes de pollution créées par l'être humain. Et aujourd'hui, nous assistons à l'effondrement de la biodiversité. Pourquoi ? D'après les prévisions des chercheurs et scientifiques, 25% des espèces qui existaient au début du XXe siècle auront disparu d'ici 2025. On peut donc dire qu'une extinction massive est en train d'avoir lieu sur Terre. Et qui en est la cause ? Vous faire un dessin est sûrement inutile. Ce sont nos activités, nous les humains, qui affectent grandement la biodiversité. Certains penseront que la disparition des espèces est un phénomène normal, car si certaines espèces disparaissent, d'autres apparaissent. Mais ce dont sont inquiets les scientifiques, c'est du taux d'extinction qui est aujourd'hui 100 à 1000 fois plus élevé que le rythme naturel. La disparition d'une espèce peut paraître insignifiante, puisqu'il y en a tellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la biodiversité, tout est lié. Une seule espèce disparue peut modifier le reste de la chaîne et avoir de réels impacts sur nos modes de vie. Et l'érosion de la biodiversité menace aujourd'hui le fonctionnement et la bonne santé des écosystèmes. Les principales causes de cette érosion sont la perte et la dégradation des milieux naturels, ainsi que la fragmentation des habitats par les excès des aménagements, de l'urbanisation, de l'industrie ou de l'agriculture. Par exemple, l'un des principaux composants de notre téléphone portable, ordinateur et console de jeu est un minéral, le coltan, une ressource naturelle extrêmement rare. Son exploitation non régulée cause de graves dégâts sur la biodiversité. Des forêts entières sont détruites pour pouvoir accéder à cette ressource et sa rareté engendre de nombreux conflits pour son appropriation. Les autres causes de l'érosion de la biodiversité sont la pollution, la surexploitation des espèces, la surpêche par exemple, le réchauffement climatique ou encore l'introduction d'espèces envahissantes qui se développent aux dépens des populations d'espèces locales. Exemple, la colerpe, une algue introduite dans le bassin méditerranéen ayant colonisé l'habitat des espèces locales qui ne peuvent alors plus se développer. Reprenons conscience du lien qui nous unit à la nature, à la biodiversité. Et si nous le voulons, nous pouvons agir à notre niveau individuellement ou collectivement pour faire changer les choses chaque jour. Comment ? Eh bien, en rendant nos modes de production et de consommation plus économes en ressources et nos comportements plus respectueux de la nature. Merci donc de considérer la protection de l'environnement une priorité. Et très belle soirée à l'écoute de Chaîne Inter. C'est le Maroc avec Hicham. Merci à Sakina Bouachéline, bien sûr qu'on retrouve le matin sur Chaîne Inter déjà à 6h45, à 11h45 et bien sûr l'après-midi dans Hello Maroc à 17h45. Et bien sûr, je remercie encore une fois Jeanne Lalechi donc de m'avoir tenu compagnie, de voir surtout donner des conseils super précieux et très importants donc aux futurs bacheliers, aux candidats au baccalauréat et surtout aux parents qui sont concernés. Oui, merci Hicham, merci nos auditeurs. Deuxième jour donc d'examen, donc demain c'est le dernier jour. tu leur conseilles tout quoi? À une fin, n'est-ce pas? Ah bah écoute, voilà, donc je te laisse donc nous faire profiter de tes connaissances. Donc on fait quoi? C'est le deuxième jour, demain il ne reste plus que la dernière journée d'examen, et voilà, donc quelques petits conseils alors, les aux candidats et aux parents toujours. Bah là, les conseils toujours de dernière minute, pareil, bah là, déjà ce soir, je pense que ce qui reste important à savoir, c'est que le positivisme est quelque chose qui va réellement vous porter chance. Parce que oui, enfin, être négatif et dire oui, non. Why? Oui, voilà. Finalement, ça va vous porter juste de mauvaises ondes, et même pendant l'examen, vous n'allez pas forcément être bien concentré. Alors que là, juste faites abstraction de tout ce qui s'entend dans les médias. Faites réellement abstraction de tout ça et vivez dans votre bulle. Une bulle de positivisme, une bulle de juste la productivité, et puis surtout la fin justifie les moyens. En tout cas, juste voilà, vous avez travaillé vraiment énormément fort. Mettez-y juste un tout petit peu plus de boost pour pouvoir y arriver. Donc le soir, vous révisez juste avant de dormir votre cours. Vous le fermez. Et puis après, vous essayez de le restituer. OK ? Après, demain matin, pareil, quand vous vous levez tranquillement, vous reprenez votre cours, vous ouvrez, et puis vous essayez de restituer, puis vous fermez votre cahier et vous essayez de le positionner. Essayez d'imaginer quelles peuvent être les questions qui vont être posées et d'y répondre. Des vitamines, la bonne vitamine C le matin, c'est conseillé. Là, vu que c'est le troisième jour et que voilà, il y a eu beaucoup de stress qui a été cumulé, beaucoup de vitamines, mais surtout aussi du sport. Est-ce que les uns et les autres, vous pouvez aller faire un petit footing? Juste sortez. Pas trop de sport non plus pour qu'on n'ait pas le petit coup de pompe. Je pense que là déjà, il faut un tout petit peu faire ressortir l'énergie. Donc pour faire ressortir l'énergie, c'est important là de l'extérioriser à travers du sport, à travers des activités outdoors, dehors. À l'extérieur, en fin de journée. Oui. Donc juste sortez, marchez, faites de l'exercice, un tout petit peu de gym ou quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est de l'endorphine. Enfin voilà. Débarrassez-vous des mauvaises ondes. Voilà, exactement, oui. Et puis voilà, ça vous permet réellement d'avoir le punch pour le lendemain, oui. Bah, je te remercie énormément, Jeanne Laléché. Et toi aussi, bien sûr, il faut falloir t'encourager, on le rappelle. Tu participes donc à une compétition internationale, donc le GIST Tech. Tu es surtout la fondatrice du site educationcm.com. Et bien sûr, il va falloir voter parce qu'elle a besoin de 5000 votes. Vous allez sur la page Facebook de EducationCM. Il y a bien sûr le link pour aller voter pour toi, Jeanne Laléché. Ah, totalement, oui. Pourquoi faut-il voter pour toi? Tout simplement parce que j'ai un site internet qui s'appelle educationcm.com qui est là réellement pour vous, nos chers auditeurs. Il est là pour vous aider dans l'orientation des jeunes. On y trouve quoi? On y trouve, pour l'instant, on y trouve un peu d'informations, mais pas autant que ce que nous on voudrait. C'est la raison pour laquelle on participe à cette compétition. C'est pour pouvoir y mettre tout ce dont vous avez besoin. Et quel genre d'informations voudrais-tu partager? Le genre d'informations qu'on veut partager dans le site, c'est surtout de manière détaillée les informations sur les formations qui existent, avec les seuils, avec les débouchés, avec les métiers, avec des témoignages métiers. Voilà ce qu'on veut mettre. Voilà ce qu'on a déjà en stock. On les a. On ne peut pas les mettre parce qu'on n'a pas suffisamment de budget pour pouvoir nous payer un développement suffisamment fort, pour pouvoir nous payer des gens qui nous aident. Donc aidez-nous à pouvoir nous qualifier et puis après à gagner un prix qui nous permettra de financer ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vis depuis 2 ans, sur lesquelles je travaille avec acharnement, énormément de passion. Et puis voilà, il n'en tient qu'à vous d'en faire une réalité, de faire de votre avenir réalité à travers nous. Pour cela, vous allez voter sur www.educationcm, vous y trouverez le lien. Sinon, notre page Facebook, EducationCM. Merci en tout cas de la soutenir par un simple clic, les amis. Et sachez que vous pouvez voter plusieurs fois, donc elle a besoin de nous. Merci, Jeanne Laléché. Merci à vous. Bon courage à toi. Et on tâchera bien sûr de keep in touch, comme on dit, pour savoir. On saura lundi. Lundi, on aura bien sûr les news. Et on aura besoin d'ailleurs de Jeanne. Donc elle va nous conseiller pendant le Ramadan et compagnie, j'en suis sûr. Allez, bon courage et à lundi, Inch'Allah, Jeanne. On rappelle bien sûr que dans 4 minutes, ça sera l'heure de l'info avec le point sur l'actualité de 18h. Merci, bien sûr. À Houlia Larizi, notre stagiaire. Merci à Leila Azizi, à la réalisation. Merci à Mounir Wardi, le responsable du son et le gardien de la console et de la technique cet après-midi. Et bien sûr, n'oublions pas, vous, amis auditeurs, merci de votre fidélité. Et surtout, rendez-vous demain 15h-18h. Je rappelle, toujours, on finit avec la bonne humeur. On souffle, c'est comme ça. Et je rappelle qu'il y a Tifa qui prend le relais juste après moi avec le Café Culture et la Libre Antenne avec Fairouz. C'est jusqu'à 23h. Prenez soin de vous et on finit avec The Killians, un groupe allemand de pop rock avec Seiden Dan. Ciao ciao, prenez soin de vous. Et si vous consommiez différemment pendant le mois de Ramadan ? Et si vous vous faisiez une santé ? Un regard neuf sur la spiritualité ? À la découverte de traditions d'ici et d'ailleurs ? Et si tout cela et plus encore étaient réunis dans une seule radio ? C'est Ramadan sur Chaîne Inter. Il est tout juste 18h. Merci de rester avec nous sur Chaîne Inter en vous souhaitant une bonne fin de journée. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite Mohamed Lahadji.